Sainte Clotilde, reine de France, par Pitre Chevalier. Après tant de violentes secousses, d'agitations et de combats, l'église de Jésus-Christ se relevait, accablée de ses récentes douleurs, mais forte encore. L'instant d'un éternel triomphe approchait pour elle. Trop longtemps déjà, la Gaule, cette noble partie de la chrétienté, avait été soumise à des princes idolâtres. Ses enfants avaient élevé sur le pavois royal 4 chefs successivement, et tous avaient été nourris dans le culte des dieux de l'Antiquité. Mais le Seigneur préparait les destins de la Nouvelle-France. Déjà s'élevaient, sous son horizon oriental, les premiers temples du christianisme. Et les enfants du Nord, descendus avec les Germains sur ses rivages prédestinés, résistaient seuls encore avec les fils de l'apostat à l'impulsion que dirigeait une main divine. C'est en ce temps-là que Clovis avait revêtu la pourpre des Mérovingiens. Ce prince, à qui la prédilection de l'Éternel réservait la gloire de planter la croix sur le dé du trône, encore infidèle et plongé dans la barbarie de son origine, après avoir anéanti sur les champs de Soissons les derniers vestiges de la puissance romaine dans ses états, venait de compter de nouveaux succès, et la défaite du prince des Thuringiens avait mis le comble à sa renommée. Fier de ses avantages, il en partageait la gloire avec des idoles impuissantes, sourdes à son hommage. Quand, terrible et victorieux, il traversa en maître les provinces qu'il s'était acquises au-delà du Rhin, et rentra dans son royaume chargé de butins et de lauriers, il offrit aux dieux de ses pères l'encens de la conquête, et les trophées du sycambre, arrachés au vieux Bazin, ornaient encore, avec les verts rameaux du chêne, le temple des druides et la pierre des sacrifices. Ce fut alors que le roi franc entendit vanter par les hommes les vertus et les attraits de celle dont la lyre des élus célébrait déjà les grandes destinées. Sans doute, cette céleste harmonie perça les voûtes azurées et pénétra dans l'âme belliqueuse du monarque barbare. Ému et subjugué, ce conquérant prêta l'oreille à des échos si doux et le nom de Clotilde arriva sur ses lèvres. « Dieu de clémence, c'est vous qui, méditant la sanctification de votre autre Israël, gardiez à l'auguste trône de France cette Esther nouvelle. C'est vous qui, dans vos desseins suprêmes, aviez marqué sa place aux côtés de notre Assuérus quand, par un miracle, vous touchiez en sa faveur un cœur insensible devenu passionné. Et quand vous appelâtes, des confins de la Bourgogne au palais de Soissons, cette aimable étrangère, cette noble chrétienne, Clotilde, cette princesse dont le manteau royal devait protéger nos premiers autels, était la fille de Chilpéric, roi des Bourguignons. Victime des sanglants discours de la guerre, le meurtre l'avait faite orpheline. Ses beaux jours s'étaient écoulés d'abord près de ses parents, dans les premières et saintes affections de l'enfance. Mais ses années de bonheur furent courtes. Elle avait à peine atteint cet âge où le cœur commence à recueillir la trace de ses premières et fugitives impressions, que l'infortune l'accabla cruellement. Des dissensions éclatèrent d'abord entre son père et ses oncles. Après divers combats où l'ambition brisa les liens sacrés du sang, la victoire demeura à Gournebeau, l'un des adversaires de Chilpéric. Il en usa en tyran, et sa fureur ne fit pas même grâce de la vie à des vaincus qui étaient ses frères. Ni l'âge, ni le sexe ne furent épargnés. Tout tomba massacré aux pieds de ce prince sanguinaire. Le malheureux Chilpéric et ses fils reçurent la mort de son épée impitoyable. Son épouse fut engloutie dans les eaux du Rhône, la pierre au cou, et ceux de l'Eube, leur fille, sœur de Clotilde, dut ensevelir sa jeunesse dans un monastère. Tout avait cédé à la rage de Gondebeau, tout avait péri. Clotilde restait seule au milieu des victimes. Tremblante devant le meurtrier, elle n'avait pour le désarmer que sa faiblesse et sa timide prière. Déjà elle courbait sa tête blonde sous le fer du fratricide. Mais le même ange protecteur qui autrefois sur le Moria retint par les ordres suprêmes le bras fidèle du père d'Isaac, et qui plus tard, armé du glaive exterminateur, descendit sur l'Égypte à l'armée, en protégeant les enfants d'Israël, cet ange, sans doute, arrêta le bras de Gondebeau, et Clotilde fut épargnée. Elle grandit à la cour de son oncle. Les décrets mystérieux et inexplicables du ciel la réservaient à de hautes faveurs, et l'on vit cette jeune fille, belle, remplie de grâce séduisante, s'élever pure et sainte dans le séjour de la corruption et du crime. Le monarque des Bourguignons, par un mouvement surnaturel de tolérance, avait permis à la fille de son frère de professer le christianisme, et ainsi cette princesse, à qui la vertueuse épouse de Chilpéric avait imprimé le sceau du baptême, en adorant le Dieu de sa mère, apprenait à observer ses préceptes. Genève était la résidence du roi de Bourgogne, contraint de vivre au milieu d'une cour arborée, dans un palais que sa tendresse fidèle peuplait de funèbres souvenirs. Clotilde y avait suivi son persécuteur. Le tour qu'elle habitait, sanctuaire des vertus et de la religion qui marchait sur ses pas, était aussi le refuge des malheureux. Elle aimait à secourir des infortunés, parfois moins à plaindre qu'elle, et elle ne savait sécher ses larmes que pour essuyer celles de ses frères souffrants. Un jour qu'elle sortait du temple de Dieu, en accomplissant ses aumônes de chaque jour, elle aperçoit à la porte de sa demeure un homme couvert des haillons de la misère. Ses sandales étaient poudreuses, et un bâton noueux servait d'appui à son corps courbé par l'âge et par la fatigue. Sa barbe était longue, son aspect imposant et vénérable, et Clotilde crut distinguer sous ses dehors les traces d'une noble origine. Une douce compassion la guide vers lui, elle s'approche avec bonté et lui offre l'hospitalité. Mais à peine ce personnage est-il introduit dans son palais, qu'il dépouille ses lambeaux et se montre aux yeux de la princesse étonnée sous la riche tunique des ministres de Clovis. Puis, un genou en terre, il lui explique ainsi son apparition en ces lieux. « Noble princesse, vous avez cru parler à l'un des indigents auxquels le sort a laissé le privilège d'éprouver votre consolante pitié. Et j'implore à vos pieds le pardon d'un stratagème innocent dont j'ai usé, moins pour vous connaître que pour tromper les regards soupçonneux de celui qui tient en ses mains sacrilège le sceptre de vos pères. Je suis Aurélien, le ministre favori du roi des Francs. Sans doute, le nom redouté du grand Clovis et le bruit de ses exploits sont parvenus jusqu'à vous. Pour vous, le bruit de votre glorieuse réputation a traversé les contrées et s'est répandu jusqu'à la cour du roi, mon maître. Il n'a pu croire à tant de charme et de vertu. J'en ai jugé par moi-même, et je viens réparer cette offense en vous suppliant, au nom du Dieu que vous adorez, d'accepter l'hommage de ses vœux et de sa belle couronne. » À ces mots, Aurélien présente à la nièce de Gondebaud l'anneau de Clovis, signe sacré de l'Alliance. Sûr du cœur de la princesse, Clovis expédia à Gondebaud une ambassade solennelle pour demander la main de sa royale pupille. Les récits du messager fidèle que le monarque avait envoyé vers Clotilde n'avaient fait qu'augmenter ses sentiments pour une princesse qu'il adorait sans la connaître. Un tendre intérêt, une admiration d'instinct et le charme de l'idéal avaient d'abord embelli à ses yeux cette vision divine que le ciel avait formée pour lui. Cependant, il voulut un jour voir se justifier enfin ses espérances et la renommée de la princesse Clotilde. Appelant donc à son aide le dévouement de son confident, il le chargea de réaliser ses projets. C'est alors qu'Aurélien, à la faveur de son déguisement, s'était mêlé au cortège qui entourait la jeune chrétienne. Il avait pu ainsi contempler ce front pur, brillant de la sérénité de l'innocence, ce sourire angélique qu'une sincère pitié dessinait sur ses lèvres, ce doux visage enfin, auquel une mélancolie céleste, comme un vague reflet des douleurs groupées autour d'elle, prêtait une expression touchante de rêverie, et il avait reconnu l'épouse qu'avait rêvé son roi. Gondebaud se rendit sans retard aux vœux du monarque Franck. Il redoutait sa puissance, et craignant qu'un refus ne lui attirât l'inimitié d'un favori de la fortune, il accorda son assentiment, quoiqu'à regret. Le jour des miracles et des miséricordes allait donc luire pour la France, et cette douce étrangère, en portant sous nos climats la paix et le bonheur, devait y amener aussi l'aurore du salut. Clotilde, après avoir dit un dernier adieu au tombeau de ses aïeux, se disposa à quitter, les yeux pleins de larmes, un séjour à la fois odieux et cher, et la nouvelle épouse alla chercher une autre patrie et un protecteur. Son royal fiancé l'attendait à Soissons. Un char magnifique, attelé de coursiers blancs, était préparé pour elle aux portes de Genève. Elle y monta, et tandis qu'elle s'éloignait, suivie des chariots chargés d'or et des bijoux qu'elle apportait à son époux, on n'entendit dans Genève qu'un lugubre radieux de sanglots, de gémissements et de regrets. Clovis était sorti du palais nuptial pour aller au-devant de sa compagne, et Clotilde était bien la réalisation de cette image que s'était créée son cœur. Ainsi, autrefois, le Seigneur avait dirigé le choix du chef des Perses quand, parmi les beautés de l'Orient, il fit tomber ses regards sur une modeste fille d'Israël pour faire de ses charmes innocents les armes libératrices de son peuple opprimé. Quelques auteurs disent que la nièce de Gondebaud exigea d'abord du roi la promesse de sa conversion, mais que ce prince, dont les vues n'étaient que toutes humaines, refusa de satisfaire sa jeune épouse sur ce point. Tout encourageait d'ailleurs cette résistance, l'ardente piété des Gaulois pour leur culte primitif, le préjugé, enfin la force des convictions premières. C'était plus de gloire avec plus d'obstacles pour l'entreprise qu'il était réservé à Clotilde d'accomplir. Dur et despote, malgré l'affection et le tendre respect dont il entourait sa jeune compagne, le roi crut lui accorder beaucoup en souffrant patiemment ses touchantes exhortations et des avis dont sa fierté se fut révoltée s'il n'était assorti d'une bouche aimée. L'éclat de la noble couronne qu'elle portait ne devait point éblouir la reine de France, ni corrompre un cœur qu'elle avait donné au Dieu des humbles. Elle parut oublier sur le trône, non qu'elle était souveraine, mais que ce titre était le prix de son mérite et de sa beauté. Modèle des reines et des femmes fortes, elle offrit aux yeux un aimable mélange de la majesté royale et de l'austère simplicité des mœurs chrétiennes. Comme autrefois, aux pompes de sa cour était joint le digne cortège d'une servante du Christ, et la voix des infortunés qui l'invoquaient dominait près d'elle les adulations des courtisans. Dans ce palais où, à côté des brutales barbaries du Sicambre, régnait la bienfaisance et la douceur, fut érigé l'humble oratoire de la reine. Chaque jour, elle y venait oublier à l'ombre de la croix les grandeurs qui pesaient sur elle. Là, chaque matin, pendant que l'aube jetait sur l'utèse ses rayons naissants, et que tout à la cour goûtait les douceurs du repos, Clotilde offrait à Dieu l'encens de sa prière, et l'aurore la trouvait agenouillée au pied des saintes images, ou le front penché sur son missel. Partageant sa vie entre ses devoirs de chrétienne et ceux de la royauté, elle ne priva jamais ses peuples d'un seul des instants dont elle leur devait le compte. Aux pieuses méditations, aux aumônes libérales succédaient les travaux attachés à sa tâche brillante. Ses sages conseils et les lumières de son génie aidaient l'esprit impétueux de son époux, et quand le royaume recevait quelque ordonnance efficace ou quelque prudente loi, il reconnaissait la main de son aimable souveraine. L'éternelle opposition de son inaltérable douceur avec les violences du monarque offrait le plus sublime contraste. Clovis se levait-il fougueux et emporté, prêt à lancer les foudres de sa colère? Clotilde allait au-devant de lui, s'offrait pour victime à ses coups, et le courroux du roi s'éteignait au pied de cet ange des miséricordes. À la sanglante scène du vase de Soissons, Clotilde n'était pas là pour épargner un crime au monarque. Ainsi, souvent le remords dut rendre plus cher encore à Clovis cette épouse, dont le sourire conjurait les orages de son cœur. Quelle magique influence servait ainsi la reine? La vertu surnaturelle que lui prêtait le dieu des chrétiens. Clotilde était l'instrument de ses projets immuables, et l'instant s'approchait où le dieu de Lutèce devait la couronner de son œuvre immortelle. Clotilde languissait dans l'attente de cet instant désiré, dont une voix secrète lui avait révélé l'approche. Mais une épreuve cruelle lui était encore réservée avant ce beau jour. Elle était mère, et son fils avait reçu l'onction sacrée qui marque les enfants du Seigneur. Mais, ô douleur amère, elle veille et pleure agenouillée au chevet du royal berceau, un linceul a remplacé les langes et les bandelettes, et des guirlandes funèbres couronnent le jeune front de l'héritier de Clovis. La tendresse maternelle avait disputé vainement à la mort cette frêle existence. Ingomer était descendu au tombeau. Le roi chérissait son fils. N'écoutant que son amour alarmé, puis son désespoir, il accable son épouse des plus cruels reproches. Il augmente sa douleur en blasphémant un dieu dont la clémence, s'il l'eût imploré, se fait rendue à ses prières. Et il attribue à la vengeance de ses idoles ce premier coup que le destin porte à son existence fortunée. Un triste silence répond à ses injures. Un regard suppliant et voilé de larmes arrête sur ses lèvres imprudentes la menace et l'imprécation. Dieu devait une récompense à la foi généreuse de sa fille bénie. La naissance d'un autre fils vint peu après calmer les regrets des époux. Comme le premier, cet enfant fut amené aux sources du baptême, mais à peine fut-il marqué du signe chrétien qu'il devint la proie de la même maladie qui avait emporté le jeune Ingomer. Cette fois, rien ne peut plus contenir la fureur de Clovis, et la véhémence de ses transports fait reculer d'horreur la reine tremblante. Sans doute, s'écrie-t-il, il aura le même sort que le premier. Baptisé au nom de votre Christ, il doit périr comme son frère. Mais la foi de Clotilde résiste à tout. Pleine d'une sainte confiance, elle élève ses vœux vers l'arbitre des humains. Elle supplie la Providence, pour sa gloire, de ne pas permettre l'accomplissement de ses prévisions sacrilèges. La bonté divine répond à sa ferveur par un miracle. Son fils est sauvé, Clodomir lui est rendu. Clovis, confondu, admire en secret la puissance d'un Dieu qu'il méconnaît toujours, et l'obstination de l'ignorance lutte encore en son âme avec la vérité. Cependant, les hordes intrépides de la Germanie avaient transporté leurs tentes des bords du Danube aux environs de Cologne, où régnait Sigebert. Clovis, qu'une étroite parenté unissait à ce prince, quitte aussitôt Soissons et vole à son secours. Les plaines de Tolbiac rassemblent les combattants. Mais les Francs, braves guerriers que la victoire a conduits toujours jusque-là, ne peuvent bientôt plus résister à la force de leurs adversaires. C'est inutilement qu'ils usent de cette adresse qui les distingue et qu'ils croyaient être le secret de leurs avantages. Leurs javelots lancés atteignent sans les ébranler ces légions invincibles. Et l'on dirait qu'une main puissante et mystérieuse soutient ces boucliers qui moussent les flèches des Gaulois. Avant que Clovis courût à la défense des murs de Cologne, il reçut des mains de sa chère épouse l'armure des combats, et Clotilde, inspirée par le Dieu Tout-Puissant, lui avait ainsi révélé ses prochaines destinées. « Prince, mon seigneur et mon roi, lui dit-elle, qui oserait douter des succès de vos armes? Mon époux bien-aimé est le chef des guerriers, et son nom, cher à la gloire, inspire la valeur aux soldats. Mais, hélas, que deviennent tant de lauriers? Ils sont souillés par l'encens qui brûle aux pieds d'Esus et de Taranis, par les mains sanglantes des Vassères. Verrai-je donc toujours Clovis attribuer à des idoles les faveurs qu'il tient de la main du Créateur? L'entendrai-je toujours adresser ses vœux à des divinités créées et refuser son hommage à l'être éternel qui seul existe? Ah, prince, si j'en crois un puissant pressentiment, j'oserais me flatter de l'espoir de votre conversion. Partez donc, allez au-devant des desseins que mon Dieu a formés sur vous, et si, un instant, la fortune vous est contraire, que le souvenir reporte à votre pensée le prodige éclatant dont Autun fut le théâtre. Nouveau Constantin, puissent vos yeux dessiller. Reconnaître enfin l'œuvre divine, et que le signe du chrétien soit pour vous le gage de la victoire. » Ainsi parla la reine, et lorsque Clovis eut rejoint les siens, tandis qu'elle invoquait pour lui le dieu des armées, elle mêlait à ses instances, malgré elle, les hymnes de grâce. Pendant ce temps, le désespoir et la honte animaient les troupes des Francs à demi vaincus, leurs lances, qu'ils avaient ressaisies un instant en répétant le nom de leur divinité des batailles, retombaient avec leurs bras découragés. Clovis lui-même, épouvanté, avait pâli. Enfin, entendant ses compagnons invoquer sourdement les idoles des druides, il s'avança vers eux. « Amis, leur dit-il, cessons d'implorer des divinités qui ne nous secourent point. Ce n'est pas en leur nom que le vainqueur de Maxence rallia autour de lui ses légions éperdues. » Puis, levant sa lance vers les cieux, suivant la formule solennelle du serment, il s'écrie « Être inconnu, toi que Clotilde adore, rends-moi la victoire qui m'échappe, et je promets de proclamer ta puissance, d'embrasser ton culte, et de consacrer mes trophées à tes autels. » Il dit, et la phase du combat change aussitôt. Les triomphes inespérés succèdent à la certitude affreuse de la défaite. Le Seigneur envoyé au secours du monarque suppliant ses cohortes célestes. Une ardeur sacrée semble enflammer ses guerriers, tout à l'heure énervés par le désespoir. Ceux qui fuyaient vers Cologne sont ramenés au combat par un surnaturel transport d'énergie et de volonté. Sigebert et Clovis se montrent de nouveau à la tête de leurs milices, et le roi des Francs crut voir les anges de Dieu déposer sur ses drapeaux les lys du ciel. Bientôt, à son tour, l'armée germanique affaiblie succombe, et les monarques gaulois, seuls maîtres du champ de bataille, fléchissent le genou sur la terre même de la conquête devant celui qui fait et défait les rois. Ainsi fut inaugurée par un miracle cette monarchie dont l'époux de Clotilde était le fondateur et qui fit pendant 13 siècles la gloire et l'orgueil de la belle France. À la nouvelle de cette conversion, la reine, heureuse comme le fut Marie à la réalisation des prophéties, triomphante du triomphe de son Dieu, après avoir fait mander le vénérable évêque de Reims, Saint-Rémy, s'avance avec lui vers Clovis. Fidèle à sa promesse, le roi reçut les instructions du prélat et convertit son âme à la foi de nos mystères. Bientôt après, les portes de la basilique de Reims s'ouvrent pour la solennité du baptême. L'époux de la reine s'avance avec ses sœurs, Albofled, Zrantilde et 3000 de ses sujets. Les eaux du salut purifient ces illustres catéchumènes des souillures du paganisme. Puis, nouveau Saül, Clovis reçoit des mains de Rémy l'huile sacrée de la Sainte Ampoule. Après que la France eût été marquée au front du signe chrétien, Dieu lui réservait les hommages des autres contrées de la terre. Des portes de Byzance arrivent les ambassadeurs de l'Orient, qui apportent au roi des Francs les titres et la pourpre des Augustes et des Césars. Au comble des honneurs, rassasié des grandeurs de la terre, ivre de conquête, Clovis pouvait dans son orgueil oublier celui à qui il les devait. Mais Clotilde était là pour prévenir en lui ses combats de la vanité par l'humble abnégation du chrétien. Cependant, les doux préceptes de miséricorde que le roi avait juré d'observer et que Clotilde murmurait sans cesse à son oreille n'arrêtèrent pas toujours les effets de son esprit emporté et irascible qu'enflammait encore l'ambition. Ainsi, les prières de la reine ne purent obtenir grâce pour plusieurs princes de la maison royale auxquels il ôta la vie et leurs biens. Mais Clotilde eut la consolation d'amener le repentir dans l'âme de cet époux, et Clovis, qui avait dû à cette influence les splendeurs de son règne, lui dut sans doute encore la paix de son agonie et le repos éternel. C'est aussi à sa prière que s'éleva dans Lutèce l'église antique de Saint-Pierre, et la consécration à Dieu du royaume de France fut le fruit des vœux ardents de cette pieuse reine. Clovis était mort, et la tâche de Clotilde était remplie. Elle pleura amèrement l'époux qu'elle avait tant aimé. Veuve, elle repoussa des grandeurs que ne partageait plus celui de qui elle les tenait. Il ne fit que changer de couronne lorsqu'elle renonça au diadème des reines pour mériter l'auréole des saintes. Couverte du voile des veuves, elle quitta le palais des Thermes qui avait reçu le dernier soupir du roi. La vieille cité de Tours, où reposaient les cendres de Saint-Martin, devint la résidence de cette illustre et sainte princesse. Les funestes dissensions que causa parmi ses fils la mort du monarque franc troublèrent le calme de ses dernières années et comblèrent d'amertume les tristes jours de son veuvage. De sa pieuse retraite, elle tenta sans succès de réconcilier des barbares que la fraternité semblait plus désunir encore et acharner davantage à leur perte mutuelle. Quand leurs armes se croisèrent, Clotilde, risquant ses jours, se jeta entre eux. Mais le farouche Clotaire et Clodomir, plus cruels encore que leurs frères, furent sourds à la voix de la nature, et l'on fut près de voir, comme au temps des fureurs romaines, le fratricide violait jusqu'au plus sacré des asiles, le sein d'une mère. Clodomir avait immolé Sigismond, roi des Bourguignons, et le successeur de ce prince, après avoir lui-même vaincu et tué Clodomir, avait reçu le même sort des mains de Childebert et de Clotaire. Les petits-fils de Clotilde, les enfants de Clodomir, restaient pour consoler sa vieillesse. La tendresse de leur aïeul avait dérobé à leur jeune âge le spectacle des crimes qui ensanglantaient le trône de Clovis. Leurs caresses enfantines réjouissaient cette reine malheureuse, et leur naïve affection remplaçait celle des fils ingrats qui l'oubliaient. Ces jeunes princes, réfugiés dans l'asile de la vertu et de la piété, apprenaient l'art de régner auprès de cette princesse qui, 30 ans, avait soutenu l'éclat du trône. Elle leur avait signalé pour code le livre sacré, et c'était dans ces pages éternelles que Clotilde enseignait à ses enfants des rois à aimer Dieu et la justice. Mais la jalousie des frères de Clodomir réservait à ses fils un autre sort que celui auquel les préparait leur tendre mère. Un nouveau meurtre devait bientôt anéantir de si chères espérances, rendre inutiles tant de soins. Clotaire et Childebert avaient jeté un regard d'envie sur le patrimoine de leur neveu, et dès lors, il s'était désigné une nouvelle proie. Prétextant le partage des états de Clodomir entre ses héritiers enfants, ils mandèrent à Clotilde ces jeunes princes pour les faire entrer en possession de leur domaine où jamais ils ne devaient régner. La reine y consentit avec joie. Elle ne put soupçonner un crime sous leur feinte sollicitude. Et qui oserait reprocher à une mère une telle méprise? Gontier et Thibault furent donc préparés à ce solennel instant. Heureuse de leur bonheur, fière des nobles instincts de ces jeunes cœurs, leur aïeul, en essuyant ses larmes, déposa sur leur front souriant le baiser de l'adieu. Il confia leur destinée royale à ceux que la nature avait fait leur premier gardien. Un jour, la reine méditait, recueillie dans le lieu des prières. Elle songeait à ses petits-fils, et sans doute la pieuse veuve de Clovis s'appelait les bienfaits du Très-Haut sur des têtes si chères. Tout à coup, la portière gothique qui se soulève et retombe avec fracas, l'arrache à ses pensées. et elle voit paraître devant elle un satellite de Clotaire. L'aspect terrible du soldat neustrien, la dureté de son regard, font tressaillir d'effroi la reine tremblante et glacent son cœur d'un pressentiment sinistre. Mais l'envoyé de Clotaire s'avance vers la mère de son roi et, lui présentant des ciseaux et un poignard, l'instruit des prétentions de ses fils et ose énoncer hautement leur projet, en laissant à Clotilde pour eux le choix entre le cloître ou la mort. L'histoire, qui n'omet point ce triste détail, dit que l'horreur et l'angoisse profonde où cette alternative dut plonger Clotilde n'eurent pas le pouvoir de faire taire les instincts de la reine, même devant ses alarmes maternelles. La noble fille des rois de Bourgogne n'hésita pas. La dignité parla plus encore que la tendresse dans cette grande âme, et sans s'écouter, la reine éperdue prononça ces paroles que son amour de mère désavouait « J'aime mieux les voir morts que dépossédés de leur héritage ». Mais à peine a-t-elle parlé que son cœur dément se veut téméraire. Clotilde se rétracte. Il était trop tard, le Neustrien avait disparu et déjà peut-être ses fils chéris étaient tombés sous le poignard de leur ravisseur. Seule, dès lors, on voit la malheureuse reine traîner dans sa mortelle solitude les derniers jours de sa vieillesse flétrie. Tantôt s'applaudissant malgré elle d'avoir préféré pour les héritiers de Clovis la tombe à l'obscurité, tantôt accusant dans sa douleur un mouvement dont sa fierté indignée n'avait pu se défendre. La reine avait quitté Paris, scène de tant d'horreur. Elle avait abandonné son royal séjour des Thermes, où elle venait de recevoir ce coup affreux qui avait percé deux fois son cœur de mère. En proie à une peine dévorante, tout lui était devenu insupportable, et la vue d'un trône ensanglanté ne faisait que raviver la plaie rongeante de ses douleurs. Tours fut sa dernière demeure. Là, chaque jour, assise sur les tombeaux de Saint-Martin et de Clovis, Clotilde, éplorée, appelait en gémissement la miséricorde divine sur des fils coupables qu'elle aimait toujours. Là, son cœur fermé pour jamais aux sensations du bonheur et aux espérances de la terre, ne se nourrit plus que des espérances du ciel et des jouissances de la pitié, et comme naguère, elle ne se reposa de ses douleurs que pour effacer des souffrances étrangères. Austère et retirée, elle priva sa vieillesse de toutes les consolations d'ici-bas pour mériter les félicités éternelles, et le monde s'étonna de voir la pénitence entrer dans le cortège de la vertu. Elle avait réglé sa vie sur celle du plus humble de ses sujets, oubliant que ses fils occupaient encore des trônes. Cette pensée, qui devait faire son orgueil, était pour elle la source des souvenirs amers qui empoisonnaient son existence. Enfin, Clotilde vit arriver le terme de sa vie. Dieu avait donné assez longtemps à la postérité des rois un si beau modèle. Clotaire et Childebert, les mains remplies des fruits du meurtre, étaient venus fermer sa paupière. Cette tendre mère, à l'heure de la mort, oublie à cet instant suprême que leur forfait l'ont conduite au tombeau. Avec ses bénédictions, descendit sur eux le pardon, et le ciel ratifia cette sentence généreuse en promettant au crime le repentir. La protection divine était due à nos princes. La première reine de France fut une sainte. Ainsi s'achève Clotilde, reine de France, par Pitre Chevalier.